Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'ActuVu. C'est Océane qui vous parle et aujourd'hui je vous présente le dernier épisode de février. On sort un peu la tête de l'hiver mais toujours pas de l'actualité. Et comme c'est notre domaine d'expertise, pas de panique, on est là pour vous aider. Cette semaine, vous n'avez pas pu le louper, le procès du chirurgien Le Squarneck s'est ouvert ce lundi devant la cour criminelle du Morbihan. Valentine, notre nouvelle arrivante sur ActuVu, vous décortiquera ça dans un instant. Et puis on s'éclipse chez nos voisins allemands, Clément nous parlera de la montée de l'AFD avant de partir en Turquie où le chef du parti kurde appelle à poser les armes. Pour la rubrique Éco-Société, notre voix la plus douce va vous décortiquer la baisse de l'indemnisation des arrêts maladie pour les fonctionnaires. Côté sport, Corentin vous explique la crise qui touche les droits télé de la Ligue 1 et vous en dit plus sur la mort d'un célèbre acteur oscarisé. Pour le reste de la culture, on confie à Orchan le soin de vous en dire plus. Mais avant ça, c'est l'heure des 7 infos de la semaine. On écoute Timothée avec notre traditionnel afflux au thé. Mohamed Amra a été arrêté en Roumanie en fin de semaine dernière. L'ennemi public numéro 1 était recherché par toutes les polices d'Europe. Après son évasion d'un fourgon pénitentiaire dans l'heure, l'attaque avait fait 2 morts parmi les policiers et la cavale de Mohamed Amra avait duré 9 mois. La France condamnée à une amende de 50 000 euros par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Rémi Fraisse. Le militant écologiste est mort en 2014, victime d'un tir de grenade de la gendarmerie. Il manifestait contre un barrage à Sivens dans le Tarn. La justice européenne estime qu'il n'y a pas eu assez de protection face au risque d'une force potentiellement meurtrière. L'assaillant de la basilique de Nice, condamné à la perpétuité incompressible, Brahim Aouissaoui, était accusé d'avoir tué 3 personnes au sein même de la basilique. Il avait reconnu les faits. La perpétuité incompressible, c'est la peine la plus rare du droit pénal français. Seules 9 personnes y ont été condamnées dans toute l'histoire. Skype va fermer après 22 ans, c'est Microsoft qui l'annonce dans un communiqué. Le géant des appels vidéo avait été mis en danger par la concurrence de Zoom pendant le Covid, mais aussi et surtout au sein même du groupe Microsoft par Microsoft Teams. Le géant américain a d'ailleurs incité ses clients Skype à basculer sur Teams. Les produits européens seront prochainement taxés à 25% aux États-Unis, assure Donald Trump. Le nouveau président américain déclare à ce propos que l'Union européenne a été conçue pour entuber les États-Unis. En réponse, l'Union européenne a annoncé réagir fermement et immédiatement. Le ministre de l'économie français, Éric Lombard, a même suggéré de taxer également à 25% les produits américains. Des tensions entre Européens et Américains alors que la guerre en Ukraine arrive à un tournant crucial. Pour le 3e anniversaire du conflit, le 24 février, de nombreux dirigeants se sont rendus à Kiev. Emmanuel Macron n'était pas présent, il était à Washington pour discuter avec Donald Trump. Le président américain qui a également rencontré Volodymyr Zelensky ce vendredi dans un échange tendu. Pour rappel, Donald Trump s'est rapproché de Vladimir Poutine depuis sa prise de fonction. Les deux hommes devraient se voir prochainement en Arabie Saoudite. Sport enfin, le président de l'OM Pablo Longoria a été suspendu 15 matchs par la Ligue de football professionnelle. Il manquera la fin de saison et le début de la prochaine. Dans un accès de colère, il avait accusé les arbitres du championnat de France d'être corrompus. Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Moi, mais qui elle est celle-là ? Quelle indignité. Le procès hors norme de Joël Le Squarneck a débuté lundi 24 février à Vannes. Valentine, cet ancien chirurgien racontait dans ses carnets ses viols et agressions sexuelles. C'est dans un lieu aménagé pour l'occasion que se tient le procès de Joël Le Squarneck. Il devrait durer 4 mois. Cet ancien chirurgien violait et agressait sexuellement ses victimes pendant qu'elles étaient notamment inconscientes. Ce procès compte près de 300 victimes présumées, âgées en moyenne de 11 ans à l'époque des faits. Joël Le Squarneck avait été condamné en 2005 à 5 mois de prison avec sursis, mais avait pu continuer à exercer. C'est seulement en avril 2017 qu'il avait été arrêté et où la police avait retrouvé des carnets où il racontait en détail tous ses crimes. Pour l'instant, la cour d'assises de Charente-Maritime a déjà condamné Joël Le Squarneck à 15 ans de prison, mais ce second procès pousse encore une fois à se poser la question, comment ce chirurgien a-t-il pu continuer à exercer ? Et le chantier de l'A69 a été jugé illégal. Le chantier de l'A69 est stoppé. Le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral autorisant le chantier de l'autoroute reliant Toulouse et Castres. Il a jugé qu'il n'y avait pas une raison d'intérêt public majeur permettant de déroger au droit environnemental. Cela fait 2 ans que les travaux avaient commencé. L'État a annoncé faire appel à cette décision pour permettre la reprise du chantier au plus vite, en sachant que 65% du budget prévu avait déjà été déboursé. À noter que c'est la première fois qu'une infrastructure routière d'une telle importance est interrompue par un jugement et non par une décision politique. Et c'était la 61e édition du Salon de l'Agriculture. L'emblématique Salon de l'Agriculture a ouvert ses portes samedi 22 février à Paris. Pour cette 61e édition, le Maroc est l'invité d'honneur, ce qui a fait grincer des dents certains agriculteurs qui s'estiment lésés par l'importation des fruits et légumes marocains. Le niveau des revenus et le Mercosur sont également au cœur des débats, mais l'ouverture du salon s'est déroulée dans une ambiance apaisée comparée à celle de l'année dernière. Et il se tiendra jusqu'au 2 mars prochain. God save the king. Sono una donna, sono una madre, sono italiana. I have a dream. Be you. Be proud of you. Ce dimanche 23 février ont eu lieu les élections fédérales allemandes. C'est l'équivalent de nos législatives en France. Le moins que l'on puisse dire, Clément, c'est que ce scrutin était historique. Et oui, Océane, un scrutin historique pour plusieurs raisons. D'abord, la participation n'avait jamais été aussi élevée, un taux de 82,5%, du jamais vu depuis la réunification du pays en 1990. Avec 28,5% des voix, les conservateurs de la CDU et leurs alliés de la CSU sont arrivés en tête et obtiennent 208 sièges au Bundestag. Ils espèrent voir leur leader Friedrich Merz devenir le prochain chancelier, qui devrait disposer d'une grosse coalition avec les sociodémocrates du SPD, parti de l'actuel chancelier Olaf Scholz. Mais derrière la victoire de cette coalition de droite, c'est surtout la percée de l'extrême droite qui est à retenir. L'AFD est arrivée en deuxième position avec un peu plus de 20% des suffrages, soit deux fois plus qu'aux dernières élections en 2021. C'est simple, elle a réalisé le meilleur score pour une formation d'extrême droite depuis la Seconde Guerre mondiale. Au Moyen-Orient, maintenant un espoir de paix après la dissolution du Parti des travailleurs kurdes. C'est son créateur lui-même qui a passé ce message, Abdullah Öcalan. L'homme de 75 ans, emprisonné depuis 1999 en Turquie, appelle ses partisans à abandonner la lutte armée et demande la dissolution du Parti des travailleurs kurdes, plus connu sous le nom de PKK. Des demandes qui pourraient constituer un tournant majeur en Turquie, mais aussi en Syrie, en Irak et en Iran, là où sont répartis les 40 millions de Kurdes. On termine avec une arrestation, celle d'Antonio Ferrara, figure du grand banditisme. Surnommé le roi de la Belle pour s'être évadé deux fois de prison, l'Italien a été arrêté en Belgique. D'après les enquêteurs, il projetait avec 11 autres suspects une attaque à main armée sur un centre fort destiné au stockage des billets de banque à Bochum, en Allemagne. Et le ministre radical est en colère. Combien ? This is Elon Musk. À partir du 1er mars, les arrêts maladie d'une durée de 3 mois pour les fonctionnaires seront moins bien couverts par la Sécurité sociale, Mathilde Tassin. Au lieu d'être indemnisés à 100% de leur salaire pendant les 3 premiers mois d'arrêt maladie, les fonctionnaires ne percevront plus que 90% de leur traitement. Autrement dit, leur rémunération pendant cette période d'arrêt sera réduite de 10% par rapport à leur salaire habituel. Alors, selon les calculs de l'un des principaux syndicats de la fonction publique, l'UNSA, le préjudice d'un agent qui gagne aujourd'hui 2000 euros pourra monter à 60 euros pour un arrêt de 10 jours à partir du 1er mars, voire beaucoup plus en cas d'arrêt plus long. Mais pourquoi cette décision, Mathilde ? Eh bien, l'État dit vouloir lutter contre l'absentéisme dans la fonction publique. Selon un rapport paru l'année dernière, les fonctionnaires en 2023 ont été absents quasiment 3 jours de plus en moyenne par rapport aux employés du secteur privé. La mesure devrait, par la même occasion, permettre à l'exécutif d'économiser 900 millions d'euros sur un an. Et Auchan n'est pas la seule enseigne à être en difficulté. Non, le directeur général du groupe Casino, Philippe Palazzi, a annoncé vendredi que 2200 postes vont être supprimés prochainement. C'est moins que les 3000 postes qui avaient été annoncés au printemps dernier. Une décision qui intervient dans le cadre des plans sociaux décidés en 2024. Et une page se tourne dans le feuilleton Altice. Après plusieurs mois de négociations, un accord vient d'être trouvé entre Patrick Drahi et ses créanciers en échange d'une réduction de 8,6 milliards d'euros de la dette d'Altice France, la maison mère de SFR. Les prêteurs vont obtenir 45% du capital du groupe, ce qui ramène la dette à 15,5 milliards d'euros. Un accord qui permet surtout à Patrick Drahi de conserver le contrôle du groupe Altice France. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, tu me parles pas d'âge. I recoup the ball. La crise entre la Ligue de football professionnelle et DAZN semble toucher à sa fin. Le diffuseur de la Ligue 1 a fini par payer ce qu'il devait à la LFP. Ça y est, DAZN a épongé sa dette de 35 millions d'euros. Le diffuseur de la Ligue 1 avait refusé début février de payer la moitié des 70 millions d'euros qu'il devait à la LFP. DAZN lui reprochait, entre autres, de ne pas assez lutter contre le piratage. La LFP avait alors saisi en référé le tribunal des activités économiques de Paris. Elle s'est finalement désistée de la procédure à la suite d'une médiation avec DAZN. Voilà qui devrait apaiser les relations entre les deux parties. D'un côté, des relations qui s'adoucissent, de l'autre, des relations qui prennent fin. C8 et la TNT, c'est fini à partir de ce vendredi soir. Après 20 ans d'existence, C8 arrête de diffuser à partir de 23h59. La chaîne la plus sanctionnée de l'audiovisuel français s'était fait refuser le renouvellement de sa fréquence TNT par l'Arcom en juillet dernier. L'émission TPMP, animée par Cyril Hanouna, y est pour beaucoup. Mais la décision de fermer la chaîne revient à la direction du groupe Canal+, puisque C8 aurait pu continuer d'être diffusé via les box internet ou le câble. A noter que Énergie 12 arrête également d'émettre ce vendredi soir. Une autre disparition s'est produite jeudi, celle de Gene Hackman, acteur américain oscarisé, retrouvé mort chez lui avec sa femme. À Santa Fe, tout le monde s'interroge, mais qu'est-il arrivé à Gene Hackman ? L'acteur a été retrouvé mort à l'âge de 95 ans dans sa maison avec sa femme, Betsy Arakawa, âgée de 65 ans. La police a indiqué qu'ils étaient visiblement décédés depuis un moment et a ouvert une enquête pour déterminer les causes des décès jugés suspects. Gene Hackman était connu pour ses rôles dans Bonnie and Clyde ou French Connection, qui lui a valu l'Oscar du meilleur acteur. Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste. Colline, c'est quoi ton journal préféré ? Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander ? À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos. On arrive au mois de mars et je sais que vous n'y pensez pas encore, mais pourtant, il faut les préparer à l'avance. Je veux bien évidemment parler des oraux. Sachez que pour ma part, ça a été ma plus grosse peur au moment des concours et j'avoue parfois, j'en ai encore des restes. Et pourtant, il faut bien se faire violence car nos cordes vocales sont notre plus grande force. Pour avoir les meilleurs conseils, j'ai fait appel à un expert de l'art oratoire, Ilyas Lemajeb, responsable du réseau des concours Eloquentia et surtout formateur en prise de parole en public. Et on commence avec le premier qu'on a souvent tendance à oublier. Déjà, je pense qu'il y a des choses à prendre en compte, c'est de dédramatiser cette prise de parole. C'est de se rendre compte qu'un jury est tout le temps admiratif et prend tout le temps en compte le travail et l'effort qui est fourni. Parce qu'on sait toutes et tous que la prise de parole aujourd'hui, c'est un domaine qui fait peur. Et oui, et c'est même 75% de la population mondiale qui ressent de la glossophobie, c'est la peur à l'idée de parler en public. Concernant votre diction maintenant et votre posture, il a également quelques conseils. Après, en ce qui concerne le souffle et l'articulation, bon, l'articulation, vraiment là pour le coup, c'est des muscles au niveau de la mâchoire qu'il faut travailler. Donc ça c'est des exercices spécifiques à faire. Par exemple, le fameux panier piano à refaire une dizaine de fois, enfin, y a pas mal de petites techniques à droite à gauche. Lorsqu'on parle de respiration ventrale, lorsqu'on parle de se tenir droit, tout ça, ça paraît être vraiment chirurgical, mais en fait, le diable est dans le détail. Enfin, n'oubliez pas que votre langage, ce n'est pas que la parole, mais c'est aussi celui de votre corps. Tout le corps, le regard, la gestuelle, la posture, tout parle également pour nous. Le non-verbal est beaucoup plus important que ce qui est verbalisé dans un discours. Aujourd'hui, le non-verbal, ça représente entre 70 et 80% d'une prise de parole. Et je terminerai cette recommandation avec un clin d'œil au 7e art, car s'il y a bien un film à voir sur la prise de parole, c'est le discours d'un roi de Tom Hooper, soit dit en passant, distingué par un Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur en 2011. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Petite pensée aussi à Héloïse à la régie. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, on vous souhaite bonne chance pour vos concours. Et n'oubliez pas, on ne lâche rien.